Section 47 de La lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 6e, section 47, Une passion de Berlioz, par Adolphe Julien. Henriette Smithson, après sa tournée en Hollande, était retournée à Londres. Mais si loin qu'elle fût, Berlioz, la tête en feu, croyait toujours la sentir, la voir à ses côtés. C'était pour lui l'idée fixe, la muse inspiratrice. Et lorsque les journaux anglais lui apportaient, en juin 1829, l'écho des triomphes de sa bien-aimée, il rêvait de composer une œuvre immense qu'il irait faire exécuter là-bas pour triompher à côté d'elle et par elle. Il pensait alors à son grand épisode de la vie d'un artiste. Et plus la séparation dure, plus cette idée prend corps. Mais s'il est toujours sur le point de commencer, s'il a dans la tête toute la symphonie où le développement de son infernal passion doit se dépeindre, il n'en peut rien écrire. Elle est toujours à Londres, écrit-il à Ferrand, le 6 février 1830. Et cependant, je crois la sentir autour de moi. Tous mes souvenirs se réveillent et se réunissent pour me déchirer. J'écoute mon cœur battre et ses pulsations m'ébranlent comme les coups de piston d'une machine à vapeur. Chaque muscle de mon corps frémit de douleur. Inutile, affreux. Oh, malheureuse, si elle pouvait un instant concevoir toute la poésie, tout l'infini d'un pareil amour, elle volerait dans mes bras, dût-elle mourir de mon embrassement. En moins d'un mois, volte-face subite. Il est guéri, ou du moins bien près de guérir. D'affreuses vérités découvertes, à n'en pas douter, ont fait ce prodige. Ces affreuses vérités étaient d'odieuses calomnies rapportées par un ami malfaisant, tout sceptique, et auxquelles il avait complaisamment prêté l'oreille. Il faut dire aussi que Berlioz, tout en jouant toujours le désespéré d'amour, commençait à se lasser de ce rôle inutile. Et l'aveu lui en échappe dans une lettre à Hiller, au milieu d'un débordement de sanglots, d'anathèmes et d'adjurations. Mais la secousse avait été terrible. Pendant 2 jours, Berlioz avait disparu de Paris. Il avait erré dans les champs déserts, ne prenant pas de nourriture, et finissant par tomber de fatigue et de faim dans une plaine aux environs de Sceaux, où il dormit comme une brute. À son réveil, il rentra tout droit chez lui au grand ébahissement de ses amis, qui le croyaient mort et qui l'avaient cherché jusque sur les dalles de la morgue. Mais pendant plusieurs jours, il se renferma dans un silence obstiné, puis reprit tranquillement son train de vie habituel. Note. Ce curieux épisode de la vie de Berlioz est emprunté au remarquable ouvrage que M. Adolphe Julien vient de publier à la Librairie de l'Art sous le titre Hector Berlioz, sa vie et ses œuvres, et qui est orné de superbes lithographies originales de Fantin Latour, de 12 portraits de Berlioz, de 3 planches hors texte et de 122 gravures autographes, caricatures, etc. Fin de la note. À ce moment, un nouveau personnage venait d'entrer en scène, qui devait jouer un rôle important dans sa vie, le jeune Ferdinand Hiller, arrivé à Paris depuis 1 an tout au plus, et qui avait commencé par donner des leçons dans l'école de musique fondée par Caron. C'est là qu'il avait dû rencontrer Berlioz, puis dans le pensionnat de Madame Daubré, au Marais, où ce dernier enseignait la guitare, et il s'était lié tout de suite avec lui de si grande amitié qu'il devint le confident attitré de ses désespoirs et de ses ravissements amoureux. Car le cœur de Berlioz ne pouvait rester longtemps libre, et son nouvel ami l'apprit bientôt à ses dépens. Hiller, en arrivant à Paris, avait été enivré par la beauté irritante et le grand talent d'une jeune pianiste, belge par son père, allemande par sa mère, et qui était un des professeurs les plus recherchés dans l'aristocratie et les grands pensionnats. Elle était déjà presque célèbre sous le nom de Camille Mauque. Pour correspondre avec la belle, Hiller avait imaginé de se servir de Berlioz, qui donnait des leçons de guitare dans une des pensions où Camille enseignait le piano. Et dame, le fulgurant commissionnaire eut bientôt supplanté son bel ami. Alors Berlioz, la tête et le cœur en feu, se livre à ce nouvel amour avec sa furie habituelle. Il exulte, il trépigne, il rugit, il parle aussitôt de mariage et veut conquérir sa bien-aimée à coups de chef-d'œuvre. Bref, au lieu de s'en tenir discrètement aux amusettes comme avait fait le sage Hiller, il prend tellement au sérieux ce caprice de coquette, il mène si grand tapage autour de sa passion qu'il en devient odieux à la mère. Et tandis que les deux amoureux se contemplent en extase, la prudente matrone jure bien que ce personnage exubérant ne deviendra jamais son gendre et compte, avec raison, sur l'humeur changeante de sa fille pour en être un jour débarrassée. Hilaire, lui, suivait tout ce manège avec une clairvoyance encore affinée par le dépit, et connaissant bien la belle, attendait pour savoir dans quelle catastrophe allait sombrer son triomphante et vaniteuse amie. Note. Mademoiselle Mauque, de ses vrais prénoms Marie-Félicité Denise, avait alors 18 ans. Elle était née à Paris et avait, dès l'âge de 9 ans, attiré l'attention du monde musical. Elle avait étudié le piano d'abord avec Jacques Hertz, puis avec Moscheles. À 12 ans, elle était allée avec ses parents en Belgique, où elle avait émerveillé les artistes par son habileté précoce. Une fois revenue à Paris, elle avait tiré grand profit des leçons de Kalkbrenner et conquis une réputation méritée. C'est ici que se placent ses aventures avec Hilaire et Berlioz. Ce dernier, en notant plutôt qu'en racontant la distraction violente dans ses mémoires, avec beaucoup de réticence perfide, tendait à faire croire que ce coup de passion, provoqué par une confidence maladroite d'Hilaire et par la curiosité malsaine de Mademoiselle Mauque, n'avait traversé que comme un éclair son imperturbable amour pour Miss Smithson. Il voulait aussi prouver que cette ardente fille d'Ève avait presque abusé de lui, pauvre victime, et l'on est resté longtemps sous l'impression de cette habile insinuation. Mais les révélations contenues dans ses lettres à Humbert Ferrand, mais la publication des spirituels souvenirs, Künstlerleben, d'Hilaire, où celui-ci raconte sa mésaventure avec une bonne grâce charmante, sont venues détruire le roman bâti par Berlioz, en prouvant que, pendant plus de 2 années, il avait méconnu, oublié, injurié Miss Smithson, que sa nouvelle maîtresse n'avait pas eu beaucoup de peine à le rendre sensible, à le putifarder, pour parler son langage, et que le pauvre Hiller n'avait nullement joué le rôle à ses sots qu'il lui prête. Après cela, fiez-vous donc au récit des mémoires. Il convient de se reporter encore au livre de M. Hippot pour connaître les moindres incidents de cette amoureuse aventure, aussi bien depuis J.C. que les résumés d'après le récit minutieux qu'il en a fait dans son Berlioz intime. Fin de la note. Cependant, Berlioz brûlait toutes les dépouilles de Miss Smithson sur l'autel de Camille Mauque. Une fois guéri de son indigne amour, il s'était juré de punir cette indifférente infidèle. Et comment sanctionne-t-il sa résolution, pour employer son propre langage, en composant contre Miss Smithson, et sans y rien changer, cette même symphonie qu'il brûlait d'écrire en son honneur? Tant qu'il ne s'était agi que de la glorifier, il n'avait pu se mettre au travail. À présent qu'il veut lui signifier son mépris, la stigmatiser en public, il travaille avec une ardeur indicible. Au bout de 3 mois, il annonce avec un cri de joie rageuse qu'il vient d'écrire la dernière note et que l'heure de la vengeance approche. Puisse-t-elle sonner au plus tard le 30 mai, par un grand concert qu'il organise au Théâtre des Nouveautés et dans lequel il fera distribuer le programme imprimé de sa symphonie afin que tout le monde en comprenne bien la cruelle allégorie. En attendant, il raconte à Ferrand tout le plan de son œuvre vengeresse. Et comme s'il prévoyait quelques remontrances, il va au-devant et lui dit, le 13 mai, « La vengeance n'est pas trop forte. D'ailleurs, ce n'est pas dans cet esprit que j'ai écrit le songe d'une nuit de sabbat. Je ne veux pas me venger. Je la plains et je la méprise. C'est une femme ordinaire, douée d'un génie instinctif pour exprimer ses déchirements de l'âme humaine, qu'elle n'a jamais ressenti, et incapable de concevoir un sentiment immense et noble comme celui dont je l'honorais. » Pour faire exécuter sa symphonie, il avait trouvé aide efficace auprès de Bloch, le chef d'orchestre des Nouveautés, qu'il avait présenté au directeur du théâtre. Il avait été convenu que ce grand concert aurait lieu le soir de la Pentecôte, où tous les théâtres étaient fermés par ordre, et Berlioz avait obtenu, du préfet de police Mangin, l'autorisation nécessaire. La saison était bien un peu avancée, il ne l'ignorait pas, et ne comptait guère sur l'attrait de sa composition gigantesque pour retenir les gens à Paris, ou les faire revenir de la campagne. Mais il voulait risquer la partie. Il espérait avoir le célèbre ténor Heitzinger et Madame Schröder-Devrient, les deux têtes de la troupe allemande qui chantait à la salle Favart. Bref, avec de tels artistes et un orchestre de 130 musiciens, il comptait bien n'en pas être pour ses frais. Et puis, pouvait-il remettre à plus tard ce délicieux plaisir de la vengeance? Il se délecte à l'idée que les acteurs de Phédo conspirent pour amener Miss Smithson par surprise à cette exécution de la fantastique, et que tout le public la reconnaîtra dans cette apparition d'une nuit de sabbat. Ce n'est plus qu'une courtisane digne de figurer dans une telle orgie. Enfin, il avait hâte de frapper un grand coup qui le rendit célèbre, et décida enfin les parents de Camille à la lui donner. Tout cela n'était malheureusement qu'un rêve, et le succès qu'il croyait déjà tenir lui échappa. Après un simulacre de répétition, où l'on n'avait pas pu caser convenablement le quart des musiciens, faute de gradins, faute de pupitres, faute de tout, Les directeurs, trouvant que c'était beaucoup d'embarras pour peu de profit, renoncèrent à l'entreprise. Et Berlioz se retrouva dans la rue, avec ses 2300 pages de musique copiées, et sans les 400 francs qu'elles avaient coûtés. Tandis qu'il se consolait dans les bras d'Ariel, sa ravissante sylphide, arriva le temps du concours pour le prix de Rome. Il avait résolu de s'y présenter une dernière fois, bien plus pour conquérir sa bien-aimée que pour répondre aux désirs de son père. Il songeait bien aux gens de la côte. Il entra en loge le 15 juillet, et tandis qu'il était cloîtré à l'Institut, il ne vivait que du souvenir de Camille, dont la femme de chambre venait le visiter tous les deux jours. « Dieu, quel vertige quand je la reverrai dans 10 ou 12 jours! Nous aurons peut-être encore bien des obstacles à vaincre, mais nous les vaincrons. Que pensez-vous de tout cela? Cela se conçoit-il? Un ange pareil? Le plus beau talent de l'Europe ?» Il termina sa cantate au bruit de la bataille qui se livrait dans les rues de Paris et sortit enfin de prison, le 29 juillet, juste à temps pour voir l'enthousiasme du peuple et des gardes nationaux à demi-ivres qui beuglaient l'ignoble parisienne, pour entendre un beau jour dans le jardin du Palais-Royal une douzaine de jeunes gens qui chantaient, aux surprises, son hymne guerrier et des mélodies irlandaises. Il se joint à leur bande, et tous, bras dessus, bras dessous, s'en vont chantant, soit cet hymne, soit le vieux drapeau de Béranger, jusqu'à la galerie Vivienne, où, sur les instances de la foule, ils reprennent leur concert et le finissent par la Marseillaise. Au dernier couplet, Berlioz se rappelle qu'il vient d'orchestrer ce chant de Rouget de Lille, en mettant au lieu des mots ténor, basse, cette mention nouvelle, tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines, et crie à la foule « Eh, sacre Dieu, chantez donc !» Alors, ces 4 ou 5 000 voix lancent un formidable « Aux armes, citoyens !» dont la commotion renverse Berlioz, ainsi qu'aurait fait un coup de tonnerre. C'était trop, paraît-il. Note. Tel était alors son culte pour Rouget de Lille, que le 29 décembre 1830, à la veille de partir pour Rome, il lui écrira pour lui marquer son très vif regret de ne pouvoir le visiter avant son départ. « Un de mes rêves d'enthousiasme, ajoutait-il, a toujours été de connaître personnellement l'auteur de la Marseillaise. » Fin de la note. Au milieu d'août, l'Institut s'occupa de juger le concours, et cette fois, enfin, grâce à certains morceaux que Berlioz se hâta de brûler, les juges, trompés par son apparente conversion aux saines doctrines, lui décernèrent le premier prix ex aequo avec Alexandre Montfort, le futur auteur de Polichinelle et de La Jeunesse de Charles Quint. « J'ai obtenu le premier prix à l'unanimité, écrit-il à Ferrand, ce qui ne s'est encore jamais vu. » Dans ses mémoires, il se moque agréablement de la séance traditionnelle, où l'on exécuta sa cantate couronnée et fait assez bon marché d'un succès officiel dont le seul mérite à ses yeux, dit-il, était de flatter l'orgueil de ses parents et de lui assurer, pendant 5 années, une pension de 3 000 francs avec ses entrées libres dans les divers théâtres lyriques. Mais ses lettres, écrites au lendemain du triomphe, témoignent d'un ravissement sans pareil. « Oh mon ami, quel bonheur d'avoir un succès qui enchante un être adoré !» Mon idolâtrée Camille se mourait d'inquiétude quand je lui ai apporté jeudi dernier la nouvelle si ardemment désirée. Oh mon délicat Ariel, mon bel ange, ses ailes étaient toutes froissées, la joie les a relustrées. C'est le 2 octobre que ma scène sera exécutée publiquement à grand orchestre. Ma belle Camille y sera avec sa mère, elle en parle sans cesse. Cette cérémonie, qui ne m'eût paru sans cela qu'un enfantillage, devient une fête enivrante. Vous n'y serez pas, mon cher, bien cher ami. « Vous n'avez jamais vu que mes larmes amères. Quand donc verrez-vous dans mes yeux briller celle de la joie ?» Note. Lettre du 23 août 1830 à Humbert Ferrand. À rapprocher du passage des mémoires, où Berlioz, après avoir raillé les lauréats, qui ce jour-là embrasse ta bouche que veux-tu, père, mère, cousine, maîtres et maîtresses, ajoute avec un air assez piteux pour abuser le lecteur, « Mon maître était malade, mes parents absents et mécontents. Pour ma maîtresse, je n'embrassais donc que monsieur le secrétaire perpétuel. » Bien mieux, ce récit d'un couronnement académique avait paru d'abord sous forme de nouvelle dans la Gazette musicale en 1834, et Berlioz, qui venait alors d'épouser Henriette et voulait faire croire qu'il n'avait jamais pensé qu'à elle, écrivait « Pour ma maîtresse, oh, elle était loin, bien loin ». Ce qui était encore une invention, car Miss Smithson était à Paris au moment de son couronnement. Seulement, c'est lui qui, par la pensée, était loin, bien loin d'elle. Fin de la note. Pour cette exécution solennelle de sa cantate, reculée au 30 octobre et dirigée selon l'usage par Grasset, ancien chef du théâtre italien, Berlioz, sûr de son prix et ne craignant plus d'effaroucher les juges, avait ajouté à ce sardanapale un morceau final figurant l'incendie et l'écroulement du palais. Cette conclusion avait produit un effet foudroyant à la répétition. Mais le lendemain, voilà qu'au moment décisif, et malgré les signes désespérés de Grasset, de Berlioz, un corps oublie de jouer. Les autres instruments se taisent, rien ne prend feu, rien ne s'écroule, et tout finit piteusement sur un maigre trémolo des instruments à cordes. Le lauréat furieux jette sa partition par terre, et le public interloqué se retire en croyant qu'on s'est moqué de lui. C'est un si grand mystificateur que ce Berlioz. Il trouva bientôt une occasion de se relever de cette défaite. Après l'exécution manquée de la symphonie fantastique aux nouveautés, son ami Girard, chef d'orchestre du théâtre italien, lui avait conseillé d'écrire une composition moins longue et qu'il se faisait fort de faire exécuter par l'orchestre les chœurs de son théâtre. Berlioz était toujours fidèle à Shakespeare, mais il négligeait Hamlet, il méprisait Ophélie et ne rêvait que de la tempête et d'Ariel. Il lui parut alors qu'il devait s'inspirer du sylphe adorable. À sa taille élancée, à son vol capricieux, à sa grâce enivrante, à son génie musical, j'ai reconnu l'Ariel de Shakespeare, écrit-il en parlant de Camille. Et ses idées poétiques, tournées vers le drame de la tempête, lui dictèrent une ouverture gigantesque d'un genre entièrement neuf pour orchestre, chœur, deux pianos et harmonica. Tellement gigantesque et tellement neuf, en effet, que Girard, du premier coup d'œil, reconnut qu'il était impossible d'essayer un pareil morceau aux Italiens. Passe encore à l'opéra. Mais à l'opéra, c'était Lubert qui était directeur, le même Lubert qui avait déjà refusé de confier un poème à Berlioz et faisait également fi de Weber et de Beethoven. Il n'importe. Hector va lui proposer sa grande fantaisie et le directeur consent à jouer cette composition dans une représentation au bénéfice de la caisse des pensions de retraite. Peut-être n'était-ce qu'un ingénieux moyen pour ne plus entendre parler de lui. Berlioz court tout d'une haleine porter cette nouvelle à Camille. Elle en a frémi de joie, écrit-il. Je lui ai dit, confidentiellement, dans l'oreille, après deux baisers dévorants, un embrassement furieux, l'amour grand et poétique, comme nous le concevons. Et le soir venu, le dimanche 7 novembre, les deux amants mènent en secret la mère à l'opéra, espérant lui arracher son consentement par ce beau coup de théâtre. Surprise inutile, elle refuse obstinément. Il n'importe. Et le jeune lauréat voyait l'avenir en rose. Grâce à son prix, il allait pouvoir payer ses dettes les plus criardes. L'exécution de la tempête lui avait valu la pleine approbation de Fétis, deux articles superbes dans la Gazette musicale. Note. C'est vrai, Fétis, cette fois, était presque entièrement satisfait, par la bonne raison que Berlioz lui paraissait avoir profité d'un de ses articles sur les révolutions de l'orchestre et la nécessité de chercher, dans un système beaucoup plus riche en modifications sonores, une source de variété plus grande pour les effets musicaux. Il qualifie ce morceau de très remarquable, surtout dans le passage de la tempête et dans le cœur des esprits aériens. Il trouve que les heureuses facultés du jeune homme pour la musique des faits et pour l'invention dans l'instrumentation se sont beaucoup développées, qu'il dispose son orchestre et ses chœurs avec une grande originalité, que la plupart de ses moyens sont nouveaux, ses associations de sonorités inusitées, les voix employées avec une intelligence rare et d'après un système tout à fait singulier, celui de Fétis. Conclusion logique. L'organisation de M. Berlioz le portait à sentir l'art sous ce point de vue et le destinait à lui ouvrir des routes nouvelles. Il n'est encore qu'à l'aurore de son talent. Ce qu'il fait maintenant, il le devine, et parfois il doit s'égarer. Mais quand l'expérience l'aura éclairé, il s'avancera d'un pas ferme dans la nouvelle joie où il s'est jeté. Fin de la note. On parlait, vu le succès, de rejouer sa tempête marine à l'opéra vers la fin de novembre. Il avait promesse formelle que son ouverture des francs juges serait exécutée l'hiver suivant par la Société des concerts. Enfin, ravissement suprême, il avait trouvé quelqu'un qui comprenait, qui devinait son âme, qui pensait mourir dans ses bras en jouant quelque adagio dévorant de Weber ou de Beethoven, et qui lui faisait jurer de ne pas se tuer si la mort l'emportait avant lui. Il adorait, il bénissait cet Ariel. Il l'aimait en un mot plus que la pauvre langue française ne pouvait l'exprimer. Et brûlé d'avoir un orchestre de 100 musiciens, un chœur de 150 voix, pour le lui dire. Les parents de la belle inventaient bien toujours de nouvelles excuses dilatoires. Ils voulaient à présent que Berlioz eût fait représenter un opéra avant d'obtenir leur fille. « Mais il intriguera, dit-il, ira se jeter aux pieds du roi pour obtenir qu'on le dispense du voyage à Rome et qu'on lui paye sa pension à Paris. » En attendant, il s'occupe d'organiser au conservatoire un grand concert où il fera entendre sa cantate de sardanapale et sa symphonie fantastique. Et comme si le hasard voulait s'associer à ses projets, est-ce que la malheureuse Henriette, la fille Smithson, comme il l'appelle alors, en soulignant le mot lui-même, n'est pas revenue à Paris depuis le printemps? Est-ce qu'elle ne se débat pas sous les coups de la fortune adverse? Les directeurs de l'Opéra Comique l'avaient engagée en souvenir de ses succès d'antan. Ils avaient commandé pour elle, à Moreau et Dépagny, une petite pièce, l'Auberge Dorée, mise en musique par Carafa et Hérold, et qui parut à la scène le 15 mai 1830. Mais ainsi présentée en dehors de son cadre naturel, dans une seule scène où elle ne comprenait pas les répliques de ses partenaires, la tragédienne avait paru jouer avec une mimique exagérée, et l'on avait ri de sa pantomime exubérante. Finalement, elle avait perdu 6 000 francs dans la faillite inévitable du théâtre. Et Berlioz s'apitoie un moment sur son sort. Mais voilà qu'il la croise un jour dans la rue et qu'elle le dévisage avec un sang-froid imperturbable. À ce coup, le fulgurant amoureux est tout bouleversé et court se réconforter auprès d'Ariel, qui lui dit en riant « Eh bien, vous ne vous êtes pas trouvé mal? Tu n'es pas tombé à la renverse ?» Ce grand concert, annoncé d'abord pour le 14 novembre, avait été reculé au 5 décembre, et le programme était ainsi composé. L'ouverture des francs-juges, le chant sacré et le chant guerrier des mélodies, la scène de Sardanapale avec son incendie, et la symphonie fantastique. Venez, venez, ce sera terrible. Habeneck conduira le géant orchestre, écrivait-il à Ferrand, qui paraissait ne pas s'émouvoir de ses fiévreux appels. Ce ne fut pas terrible. Trois morceaux de la symphonie, le bal, la marche au supplice et le sabbat, produisirent quelques sensations, mais la scène au chant passa inaperçue, et le jeune musicien prit le parti de la réécrire. Hélas, Miss Smithson, cette fois encore, échappa à l'expiation que son ancien adorateur voulait lui infliger en public. Ce soir-là, à la même heure, elle paraissait à l'opéra dans une représentation organisée à son bénéfice et y mimait pour la première et dernière fois le rôle de Fenella dans La Muette de Portici. Mais l'ami trompé par Berlioz, l'amoureuse évincée par Camille, Ferdinand Hiller, assistait au concert, car il n'était nullement parti pour Francfort après sa mésaventure. Il était devenu le confident de Berlioz, et poussait la grandeur d'âme, ou l'indifférence dédaigneuse, jusqu'à lui donner de judicieux conseils pour retoucher sa symphonie. Le vrai succès du jeune artiste, en cette circonstance, fut de ne pas rencontrer d'indifférents. Ennemis et amis attaquaient ou défendaient son œuvre avec passion. Mais lui n'entendait que les éloges. Il se riait des blâmes d'une critique hostile, et se délectait de l'irritation manifestée par Cherubini. « Je n'ai pas besoin d'aller savoir comment il ne faut pas faire !» avait sèchement répondu le vieillard, à qui lui demandait s'il n'irait pas entendre la nouvelle production de Berlioz. Sur le moment, il était tout à la joie du triomphe. Il était ravi de l'effet satanique produit par la nuit de sabbat et se disait contraint par le public enthousiasmé de répéter exactement le même concert le lendemain de Noël. Il exultait d'avoir enfin, par ce succès, arraché le consentement de la mère d'Ariel. D'Ariel qui, depuis l'audition de ce sabbat, ne l'appelait plus que son cher Lucifer, son beau Satan. Et si l'homme avait tout lieu de chanter victoire, l'artiste aussi pouvait rayonner, car Spontini lui avait envoyé sa partition d'Olympie avec une dédicace très flatteuse. Après quoi Berlioz, étant allé le voir, avait dû promettre de lui écrire de Rome, et avait reçu de lui une lettre de recommandation pour son frère, qui était père au couvent de Saint-Sébastien. Car il allait partir, toutes ses démarches pour rester à Paris avaient été vaines, et puis les parents de la belle Camille, espérant encore un retour de fortune, avaient reculé le mariage à Pâques 1832, après que Berlioz aurait séjourné au moins une année en Italie, afin de ne pas perdre ses droits à la pension. Il allait partir seul, car l'arrêt qu'il devait faire en route, à la côte, l'empêchait de voyager avec les autres lauréats du prix de Rome. Et d'ailleurs, ils étaient déjà loin que lui était toujours à Paris, occupé des préparatifs de son concert pour le lendemain de Noël. Il dut cependant y renoncer, et cette fois, comme il avait, de retard en retard, atteint l'extrême limite, et que décembre allait finir, après avoir prévenu l'ami Ferrand de son prochain passage, après avoir échangé bien des serments d'éternel amour avec Ariel, il prit tristement la diligence, et se dirigea sur Lyon, puis de là sur la côte. Il y arriva le lundi 3 janvier 1831. Fin de la section 47.